Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans le Rock Folk Show. Nous sommes le mercredi 20 juin. Bonsoir mon cher Demain Tom. Demain c'est l'été. Tu m'as explosé les oreilles. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop fort. En plus, bonsoir. Il me dit juste avant de prendre l'antenne, surtout parle pas trop fort. J'adore. Et c'est moi qui le fais. Pour une fois, ça fait quoi d'avoir un an de plus? Merci d'ailleurs publiquement, radiophoniquement, merci à toi et Pascaline pour cette surprise. Alors. C'était bien, hein? C'était fun, c'était cool, c'était il sympa. Faisait beau, ouais. On était en terrasse tranquille, on a mangé gentiment. Il faisait beau, ça sentait bon le sable chaud. Ah, peut-être pas, et non, ça était plus au bord de la route qu'au bord du sable, mais c'est pas grave. Ouais, il n'y avait pas trop de circule, ça allait. Non, ça va. Voilà, allez, et merci encore. Et puis merci à tous ceux qui ont pensé. Qui m'ont envoyé des messages. Il est encore temps, hein, mais de toute façon, c'est tous les ans, tous les jours. Et c'est comme Noël, ça passe. Ouais, on pourra te fêter un an et une semaine, donc. Oui, bientôt, il y a ma fête, mais c'est marrant. Il y a la Saint-Tom-Tom. Ouais, voilà. Allez, ce soir, une émission 100% Zik nouveauté pour rattraper un petit peu tout notre retard, puisque, comme vous le savez, les deux dernières émissions ont été des émissions rediffusées, mais on collait complètement à l'actualité, puisque c'était spécial Download et Hellfest, et le Hellfest, c'est bientôt, c'est parce que ça commence demain. Ouais, ça commence demain, c'est le jour d'été, c'est la fête de la musique, demain il y a plein de choses, demain c'est magique, et le Download c'était ce week-end à Paris, et le Hellfest c'est le week-end prochain. Ouais, c'était 4 jours. 4 jours cette année le Download avec Guns N' Roses lundi soir. Bah, il paraît que c'était bien, bon bah tant mieux. Hein. Mais 3 heures de concert, c'est ça je crois. 3 jours de concert. 3 heures, non mais Guns N' Roses. J'en sais rien. J'ai cru voir. Ouais, j'ai vu quelques vidéos, ouais, ça avait l'air sympa quoi. Ouais, bon, mais c'est passé maintenant quoi, faut passer sur autre chose. Les critiques c'était qu'il n'y avait pas assez de monde. Alors les gens qui y étaient m'ont dit que si c'était quand même bien fourni, mais effectivement ils n'avaient pas trop chaud, ils n'étaient pas collés les uns aux autres. Bon, bah, en même temps je pense que le lieu est assez grand, tant une ancienne base militaire, une base militaire désaffectée. Enfin bref, allez ce soir 100% Zik, nouveauté, on commence on avec Iron Maiden tiré de cet album The Book of Souls Live Chapter 1. C'est ça? Non, Live Chapter, n'importe quoi, pourquoi? Ouais, non, c'est Live Chapter, sorti le 17 novembre dernier chez Sanctuary Records. Le morceau que je vous ai choisi, bah, c'est un peu ce qui nous arrive avec le Rock for Show, Wasted Years, les années perdues, hein, toutes ces années qui s'envolent, qui partent comme ça. C'était en live au HSBC Arena à Rio de Janeiro. C'était le 17 mars 2016. Voilà, c'était Iron Maiden. Pourquoi on vous les a passés? Parce qu'ils sont au Hellfest. Et puis, surtout, ils seront à Paris. À Paris, à Bercy, le 5 et le 6 juillet prochain avec Killswitch Engage, que vous entendez en fond sonore. Voilà, Killswitch Engage, dont l'album est sorti, je sais plus, là, il y a, je sais plus quelle année, je sais pas si je te l'ai marqué là-bas. En tout cas, c'est un groupe qui s'est formé en 98 aux États-Unis, ils nous font du metalcore, voilà, un truc qui déboîte, et ils seront donc en première partie de Iron Maiden les 5 et 6 juillet à Paris-Bercy. Voilà, nous allons continuer avec de la nouveauté et encore de la nouveauté, mais c'est pas la peine de me le mettre en fond sonore, mon chéri. Qu'est-ce que tu me fais là déjà? Il me met Doro déjà en fond sonore dans ma tête. Non, mais c'est n'importe quoi. Doro, donc. C'est ce que tu dis, donc je te montre un petit peu quoi. Ok, donc Doro qui nous sort un nouvel album, pas tout de suite, hein, ça sera le 17 août, mais elle nous a envoyé un petit single qui s'appelle All for Metal. Comme toujours, la Queen of Metal revient avec un double album cette fois-ci qui s'appelle Forever Warriors, Forever United. Des guerriers pour toujours et unis pour toujours également. Donc deux albums qui sortiront chez Nuclear Blast. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? C'est un coffret. Enfin, il y a plein de choses qui vont sortir. Le premier double album fait 13 titres et le deuxième fait 12 titres. Donc c'est un groupe de heavy metal bien sûr, hein, Doro, né sur les cendres de Warlock dans les années 80. Le groupe existe depuis 1989, ils nous viennent d'Allemagne, de Düsseldorf exactement, ils seront en concert. Bon, c'est pas tout de suite, je sais, c'est en 2019, mais réservez quand même vos places déjà, puisque c'est assez exceptionnel quand la princesse du métal, la reine du métal vient nous voir en France. Ce sera à Vauréal, au Forum, et ce sera le 19 mars 2019. Nous enchaînons enchaînerons ensuite avec Monsieur Dee Snider, ex-chanteur de Twisted Sister et Widowmaker. Il nous revient en solo chez Napalm Records. L'album sortira le 27 juillet prochain et il s'appelle For the Love of Metal. Vous avez vu, hein, c'est une thématique ce soir, hein, on reste dans le métal. Avec Dee Snider. Et le titre, mon cher Tom, est-ce que tu veux nous le prononcer ou pas? Non, je te laisse. Alors c'est Tomorrow's No Concern. Donc ça veut dire que demain ne sera pas concerné. Alors je sais pas si c'est... Je sais pas de quoi ça parle exactement, mais c'est assez écolo quand même ce que nous sort de temps en temps Monsieur Dee Snider. Donc je sais pas, j'ai pas bien écouté les paroles. En tout cas, un morceau... Ouais, je suis resté un peu sur ma faim. Hein. L'album fait 12 titres. C'est un quintet de heavy metal. On retrouve des gens connus. Hein. Ils nous viennent de New York. Le groupe s'est formé en 1996. Enfin, Dee Snider, dans sa carrière solo, a commencé en 1996. Et il joue sur cet album avec Bob Kulick à la guitare, je crois, et Rudy Sarzo à la basse. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, c'est tout. Hein. Icedurst. On passe aux autres américains. Icedurst. Et leur album Incorrupted. Est sorti le 16 juin 2017, donc ça fait déjà un an. Ils n'étaient pas venus en France pourtant, il me semblait. En tout cas, ils seront en concert bientôt et le titre que je vous propose de découvrir s'appelle Defiance Icedurst. Ils ne seront pas tout seuls en concert puisqu'ils seront avec nos amis de Conscience. Qu'est-ce que je peux vous dire? L'album Incorruptible fait 10 titres. C'est un quartet de heavy metal trash qui s'est formé en 1988. Ils nous viennent de Tampa aux États-Unis et ils seront à Paris le samedi 23 à Vauréal, exactement au Forum, donc avec Conscience. On envoie tout de suite la musique et on se retrouve tout de suite après. Oui, 06 81 01 28 34 si vous voulez nous envoyer vos petits messages, vos rayons de soleil également et puis vos encouragements pour l'équipe de France puisque le match c'est demain et ce sera le deuxième match de l'équipe de France contre le Pérou et attention parce que quand le Pérou pète, ça sent pas bon. I need some. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show sur Radio Biz. Il est venu le temps de saluer notre ami Eric, Eric Flynn Tabernacle. Là, on est au Québec et on salue Sydney. Metal Invasion. Bah, il est pas. Ouais, il est là, il est par là. Il est en France. Il est pas Toulouse, lui, je crois. Il fait pas de la saucisse, lui. Est-ce qu'il ferait pas de la saucisse? Non, hein, c'est de Toulouse, mais que le nom de Toulouse. La Sydney de Toulouse. Le Sydney de Toulouse. Le Sydney de Toulouse. Salut à vous, les gars. Ouais, Metal Invasion, tous les lundis soirs. Et puis sinon, vous pouvez retrouver nos podcasts, tout ça. Vous sur avez le site tous... archive.org. Normalement, c'est à jour. Normalement. Ouais. Non mais Tom, dès qu'il y a un rayon de soleil, vous savez, il se met sur son transat, les couilles à l'air, et puis voilà, hein, donc ah, écouter du ah non, c'est pas ça. Non, qu'est-ce que t'écoutes toi, Tom? J'écoute du... des trucs. Ouais. Allez, on vient d'écouter Doro, Dee Snider et Eisder. C'est ce que vous entendez en fond sonore. On vous le rappelle, le groupe s'appelle Conscience. Ayez tous bonne conscience. Et le groupe sera en première partie de Eisder, donc ce samedi, le 23, à Vauréal, bien sûr, au Forum de Vauréal, dans le 95. Nous y serons. Enfin, j'espère. Voilà. Tu y seras. J'y serai. Bon, alors j'y serai. Voilà, venez nous retrouver nombreux au Forum de Vauréal si vous n'êtes pas au Hellfest. Nous allons continuer avec des nouveautés, mais cette fois-ci, on va changer de style. On va aller faire un tour du côté obscur de la force. Mon cher Tom, là, je peux te le laisser dire, puisque c'est Marduk le canard. Coin, coin, coin, coin. N'importe quoi. Marduk le canard. Elle marche toujours, cette blague, en plus. Hein. Ouais. Allez, Marduk, qui nous sort un nouvel album. Allez, je te laisse faire. Le nouvel album Victoria, sorti chez Century Media, qui sortira vendredi le 22 juin 2018. Ce groupe Marduk qui est un quartet de plaques brutales fondé en 1990. Ils nous viennent de la Suède. Ils sortiront donc un 9 titres. Et on va écouter le titre Werewolf. Merci Tom. Maintenant, sorti de Moonwash. Moonreich, comme le... Ouais, Moonreich. Comme à l'Est un petit peu. C'est des Français, voilà. Oui. C'est des Parisiens même, formés en 2008, 10 ans déjà, pour ce quartet de black metal. Ils nous sortent un 7 titres qui est sorti du coup le 16 juin dernier avec le... Chez comme les acteurs de l'ombre. Ah, Ladlo, c'est les acteurs de l'ombre, production. D'accord. Ok, je ne savais pas, cet album fugue, mais reviens. Non, ne fugue pas, reviens, reste avec nous. Et le titre, Heart Symbolism. Exactement. C'est un quartet, black metal. Yes. Hein, encore du black metal. Ouais. Wow, ce soir, on va vous gâter. Oui, et surtout, après, on va changer. Après. Ouais, on va changer. Mais là, ils seront en concert, en fait. Ils seront en concert le samedi 6 octobre au festival de Ladlo. Donc, les acteurs de Londres Festival. Ce sera à Nantes. Ce sera à Nantes, hein, dans le 44. Hein. Paraît-il. Et donc, ne les ratez pas. Alors, je pense qu'il y a d'autres concerts, hein, faudra regarder. Mais le festival des acteurs de Londres, c'était intéressant et important de le signaler. Allez, après, on change carrément de style. Mais on retourne dans le côté qui devrait te plaire, mon cher Tom. Là, justement, il n'y aura plus personne hormis moi. Voilà. Ah non, moi aussi, j'adore. Non, peut-être pas, je suis pas à fond dedans, mais j'ai un petit penchement. David Jones, on the back. Ouais, ça t'en a donné une demi-molle, c'est ça? And the Back Doorman, qui nous sortent ce qu'ils appellent eux, un EP, 9 titres en autoprod au mois de mai dernier. C'est du rock blues. Et c'est un EP qui n'a pas de nom et le titre ce sera LA Boogie. Boogie. Vous allez voir, c'est du blues, hein, c'est vachement bien. Et enfin, moi j'adore. Franchement, moi c'est le genre de truc que je kiffe grave ma race. Donc on vous laisse 06 81 01 28 34. Ça c'est le pour envoyer vos SMS, vos petites photos. On a reçu déjà un petit message de Pascaline. On la salue bien fort. On lui fait des gros bisous, des gros poutous partout. En plus, elle s'est fait toute belle. Elle était chez le coiffeur, tout ça. Ouais. C'est magnifique, quoi. Ouais. Et puis on salue Christian également, puisqu'il nous a envoyé des petits messages cet après-midi. Et puis on salue des gens qu'on saluera tout à l'heure, puisqu'on passera des titres de leur musique. Voilà. Hein ? Allez, pour l'instant, on part avec le black metal Marduk. Dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock Folk Show. Il est bientôt 20h passé de quelques minutes. Bah, il est même 20h passé de quelques minutes, qu'est-ce que je raconte. Vous venez d'écouter Marduk, suivi de Moonreich, qui étaient deux groupes de black metal. Et nous avons fini avec Devil Joe and the Badger Man. Et j'espère que vous avez apprécié, c'était vraiment sympa. Ce que vous entendez en fond sonore, avec un son un peu crade, c'est Cro-Mags. Le groupe s'est formé en 1982, ils nous viennent des États-Unis, c'est du crossover, c'est un quartet. Ils nous viennent de New York et ils seront en concert à Paris le 22 juin prochain au Petit Bain. Mais ils ne seront pas tout seuls, ils seront avec Modern Life is War et Higher Power. Nous allons enchaîner encore avec des nouveautés. Cette fois-ci, nous allons repartir en Allemagne avec Refuge. Refuge, c'est un peu, la ressucée de Rage, hein, avec en power trio. Donc, c'est-à-dire que nous retrouvons Monsieur Efimiadis, nous recevons Monsieur Pivi Wagner, et nous retrouvons, alors qui c'est qu'il y avait avec eux, il y avait Manny Schmidt, bien entendu, dans la première mouture de Rage. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un premier album, il contient 11 titres et il sortira chez Frontiers le 8. Il est sorti le 8 juin dernier. L'album s'appelle Solitary Mane et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Mind Over Matter. Voilà, nous enchaînerons ensuite avec Madball. Nous retournons voir les Ricains, hein, c'est bien ça, mon cher Tom. Yes. Et ils nous font du hardcore, c'est un quartet de hardcore. Le nouvel album contient 13 titres et il est sorti le 1er juin, lui, chez Nuclear Blast. Et ils fêtent leurs 30 ans d'existence. 30 ans de carrière, bien évidemment. Le titre que je vous propose de découvrir s'appelle Rev Up et le titre de l'album, mon cher Tom. For the cause. Exactement, mais quelle cause? La mienne. Hein. La tienne, bon d'accord. Le groupe nous vient de New York. Nous enchaînons ensuite avec un groupe qui sera au Hellfest. Et vous pourrez les retrouver, je crois que ça doit être dimanche qu'ils sont au Hellfest. Le 24 juin, c'est bien ça, c'est dimanche. Ils y seront à partir de 17h15. Sur la scène de la Valley. Le groupe s'appelle Zeal and Ardor et ils nous sortent un nouvel album qui s'appelle Stranger Fruits, un fruit étranger, un étrange fruit. Et le titre du morceau, mon cher Tom, c'est Row Row. Wow, wow. Tu vas voir, c'est assez sympa. C'est assez sympa, c'est assez varié. Et le. Bah, c'est le, vachement varié, ouais. Wow, wow. L'album est sorti le 8 juin, donc chez MVKA Records. Ils nous viennent des États-Unis, ils nous font un expérimental black metal blues. Ça, c'est pour toi. Qu'est-ce que je peux vous dire dedans? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, mon cher Tom? Rien. Bon, bah d'accord. Toi, tu veux écouter de la musique, toi, tu veux rien dire ce soir. Hein, t'as pas la pêche pour parler. Je parle pas. Non, j'ai pas la pêche du tout. C'est vrai, t'as pas la pêche? Bon, attends, je vais te remettre un coup de pompe, tu vas voir. Ça va Un coup de poire. Un coup de poire, plutôt. On part en musique tout de suite. On se retrouve tout de suite après 06 81 01 28 34 si vous voulez nous envoyer vos petits messages pour nous souhaiter bonnes vacances parce que c'est bientôt les vacances. Mais vous inquiétez pas, on va être encore là quelques mois encore après. Ouais, quelques mois après, mais surtout on va être là au mois de juillet, je pense, hein, parce qu'on a une spéciale Remfest à faire et on a quelques petites surprises, notamment deux spéciales. Profitez-en parce qu'il n'en restera plus beaucoup après. Ouais, c'est clair. Hein. Après, on vous dira. Oh, adieu. Ouais, et là sera la vraie. Ouais, cette fois-ci, ce sera la vraie, vraie, vraie. Pour les 35 ans du Roquefourchon, on vous en reparlera, bien sûr, à la rentrée. Allez, musique. Revolution and is therefore labeled violent. Condemned to the silent movement of rebels who are defiant. Sick side in the house of Madball. Rev up.

retour dans les studios. Vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show sur Radio Biz. Également sur... Alors, Metal Invasion. Voilà, merci. Et avec sur le Sydney. Podcast archive.org. Bah, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a écouté là? Bon, reprenons nos voix normales. On a l'impression qu'on est sur une émission de. De Black Metal. Non, mais une autre émission aussi, podcast vidéo, qu'on salue d'ailleurs. Ouais. Voilà, c'était le Refuge qu'on a écouté, suivi de Madball. Et on a fini avec Zeal and Ardor. Et ce que vous entendez en fond sonore, c'est le tout nouveau clip. Ah ouais, alors c'est drôle d'écouter un clip, hein, de celui de Black Label Society, qui se nomme, mon cher Tom, le... Trampled Down Below. Trampled Down Below. C'est sorti... À tes souhaits. À mes souhaits. C'est sorti l'album, hein, parce que le clip est sorti il y a 2 jours. Par contre, l'album est sorti au mois de janvier 2018. Chez Entertainment One Music. Voilà, donc il s'agit de Monsieur Zach Wilde. Voilà. Et nous allons continuer avec des nouveautés. Nous allons partir avec un peu de stoner cette fois-ci. Et c'est tout à ton stoner, mon cher Tom, oula, de présenter le groupe qui vient. Oula, Santuaro. Voilà. Non, voilà, j'ai présenté. Non. C'est voilà. Pas ça. Déjà, et tu te plantes. Et en plus, je me plante. Et en plus, tu te plantes. Alors, voilà. Ce soir, il y a quoi qui joue comme groupe? Orange Gobelin. Il y a pas un groupe espagnol qui joue ce soir? Il y a pas l'Espagne qui joue ce soir? Si. Donc voilà, on a choisi donc Orange Gobelin. Hein. Ouais, Orange Gobelin. C'est quoi le rapport avec l'Espagne? Bah, Orange, les oranges. Ouais, bah oui. C'est plutôt le. Oui, les oranges d'Espagne, d'accord. Bah oui, et puis c'était leur emblème à la Coupe d'Europe. Coupe du monde peut-être, ouais, Espagna 82 il me semble. Ah d'accord, hein, okay. Voilà, c'était une petite orange. Alors parce vas-y, que moi, orange c'est Pays-Bas pour moi, mais voilà. C'est ah tout. Non, mais je parle de l'orange, le fruit. Oui. Les Pays-Bas c'est les tulipes et les moulins. Oui, et le fromage, l'autre. Et le fromage, l'autre pays du fromage. Orange Goblin. Goblin. Qu'on va écouter avec. Formé en 1995, c'est des Anglais, ils nous viennent de Londres. C'est un quartet de stoner, comme a dit Phil. Ils ont sorti 10 titres le 16 juin dernier, appelé Candlelight. Sorti chez Candlelight. Attention, troisième erreur, on te met par la fenêtre. Et l'album s'appelle The Wolf Bites Bite et le titre Sons of Salem. Ouh, que c'est dur. Mais je l'ai pas préparé, hein. C'est Phil, il m'envoie des trucs. Ouais, des petits pièges. Je prépare rien, vas-y, tu prends tout. Bien sûr. Allez, je présente le prochain. Santoro. Comme. Bah, donne. Comme le tennis, man. Non, donne. Dom Santoro. Non, donne Santoro, ouais. Donne-moi 100 euros. Ah, oh putain, merde. Le titre du morceau s'appelle IDS et le titre de l'album s'appelle Dano Collateral. Dano Collateral. Voilà, faut le dire en espagnol, enfin en mexicanos. C'est une autoproduction qui sortira le 30 juin prochain. Ça fait 10 titres. C'est un quartet de thrash metal mexicain formé en 2009. Et ils nous viennent de... alors c'est quoi? C'est Culiacán, yes. Je connais pas cette ville, mais ça doit être bien. Alors je sais pas si t'as vu ce qui s'est passé au Mexique. Non, mais tu veux me le dire. Et ben au Mexique, quand ils ont gagné, il y a eu comme un... Enfin, le sismographe s'est déclenché parce qu'ils ont tous sauté. Tu y crois ça ou pas? Non, j'y crois pas. Bah, ce serait bien que tu regardes les infos de temps en temps, hein, parce qu'ils ont tous sauté sur la faille de son machin là-bas. San Andreas certainement. Ça. Et en fait, il y a des études sismographiques qui ont vu comme quoi il y a eu un léger tremblement. Mais de terre. Ils ont tous sauté. En même temps. Ils étaient 1 million à sauter. Bah, je sais pas, ils étaient beaucoup, hein, apparemment. Allez, en tout cas, on va continuer avec, je crois que c'est un groupe qui nous vient d'où cela, de Norvège. Bah voilà, on va repartir au pays du froid. Le groupe s'appelle Akarash. Akarash. Akarash, hein, Midash. Et l'album s'appelle In Chaos Back. Background. Même lui, il a pas préparé son émission. Ouais, In Chaos Background. Backgrounded. Et le morceau s'appelle Legio Obscura. Exactement. Ça nous vient de Norvège, donc. Et c'est du black metal, encore une fois. L'album est sorti le 8 juin dernier sur un label, je suppose... Charisma and Dark Essence Records. Voilà, donc je pense qu'il doit être suédois le label. Hein. C'est un album de 8 titres. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Je sais pas moi, qu'est-ce que tu... Il y a des choses... Ah oui, formé en 2016, voilà, c'est 8 titres, donc c'est entre l'EP et l'album. Voilà, et c'est du black avant-gardiste, voilà. Bon, bah, on va vous laisser en musique et puis on vous retrouve après. Ils nous viennent d'Oslo, en fait, on l'a pas dit en Norvège, c'est Oslo. 06 81 01 28 34, continuez à nous envoyer vos petits messages. On sait qu'il y en a qui passent le bac, il y en a d'autres qui sont au concert de... Je sais plus ce qu'il y avait ce soir, mais il y avait un concert. Donc, bah voilà. Hein. Allez, à tout à l'heure. Mother's curse, you emperor. Rise up, sons of Satan. Studio avec Tom et Phil pour le Rock Folk Show. Si tu peux me baisser un tout petit peu le retour, parce que là il y en a un peu trop dans mes oreilles, mon cher Tom. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Caroline Rose. Oui, je sais, c'est pas très métal. Hein, Tom, s'il te plaît, mes oreilles, parce que là c'est vraiment trop fort dans mes oreilles, Tom. J'ai l'impression que tu m'entends mais pas en y a plus. Rien. Non, mais il y a rien. Ah non, mais là maintenant t'as baissé, c'est bien. Merci, Tom. Mais du coup, les auditeurs ils n'entendent plus rien, c'est ça? Ah si, si, ils entendent. Parce que moi j'entends, donc ils doivent entendre normalement. Qu'est-ce qu'on a entendu jusqu'à présent? Roche Goblin, c'était suivi de Santoro et on a terminé avec Akarash. Ouais, bah donne. Oui. C'est bien de faire deux, trois fois la même blague, Tom. C'est bien. Donc, je te l'arrache. Caroline Rose, l'album s'appelle L'Honneur, il sortira très bientôt. Et surtout, ils seront en concert. À l'Espace B, voilà. Et ce sera le 6 juillet prochain. Avant ça, c'est passé déjà les Eurocaines de Belfort ou ça va avoir lieu? Ah, d'accord, Tom est parti, donc je sais pas, il est parti se faire un sandwich. Je suis parti autre chose. Petit problème technique. Les Eurocaines, je crois pas que c'est. Non, c'est pas encore passé. Bon, alors ils seront aussi aux Eurocaines de Belfort. Caroline Rose, qu'on avait déjà reçue dans le Rock for Show. Alors oui, c'est pas très très très métal, mais j'adore son univers. Et en plus, à la batterie, on retrouve un de nos grands amis du Rock for Show et du PMFF, puisqu'il s'agit de monsieur Vince Crater, qui n'est autre que l'ex-batteur de Risk Reference, mais il a été aussi batteur de Asylum Pyre, il a été batteur de plein de groupes, donc on est très contents. C'est le 5 et 8 juillet 2018. Les Eurocaines ? Oui. Voilà, donc du 5 au 8, et elle sera donc à l'Espace B, on vous le rappelle, le 6 juillet. Voilà. Et ce que j'entends en fond sonore, là, c'est Ghost. C'est le groupe que l'on va passer tout à l'heure, mon cher Tom. C'est normal que l'on l'ait en fond sonore, alors qu'on devrait avoir Caroline Rose, normalement. C'est déjà fini, Caroline. Ah, putain, c'est pas possible. Oh là là là là. En plus, concentre-toi, Tom. Tu me l'as mis trop concentre-toi, Tom. Concentre-toi. Non, mais pourquoi? Tu veux savoir si t'as fait une... Non, mais c'est pas grave. On va passer donc Ghost. Ghost qui est vraiment le groupe du moment que vous avez pu voir au download. Je sais pas s'ils passent pas au Hellfest d'ailleurs. Non, je crois pas, ils sont passés l'année dernière. L'album s'appelle Préquel. Alors il y a plein de critiques, de chroniques, de tout ce que vous voulez sur le net, sur Facebook. Allez voir, l'album est sorti le 1er juin dernier chez Spine Farm Records. Le morceau qu'on vous a passé la semaine dernière, c'était Rats. Et cette fois-ci, on va vous passer Face. Alors, gare à tes faces, mon cher Tom. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? L'album contient 10 titres. Ouais, c'est assez sympa. Enfin, ouais, c'est un peu space. C'est du heavy rock. Le groupe s'est formé en 2008 et ils nous viennent de Stockholm, en Suède. Nous enchaînerons ensuite avec des Français que j'adore. Un petit groupe qu'il faut aller voir, qu'on n'a pas pu aller voir vendredi dernier, because on était au resto. Le groupe s'appelle Pink Fireball. Voilà, et ils nous sortent un EP qui s'appelle Strange Voices. C'est un EP de 4 titres. On vous a déjà passé un ou deux titres, je crois. Et ce soir, on a décidé de vous passer Turn Around, qui ouvre cette EP. Il est sorti début 2018, je crois. C'est une autoproduction. Et ils sont français, ils nous viennent de Paris. Ils seront en concert très prochainement, puisque c'est le 29 juin à Paris, à la Féline Bar. Ils seront également... Je sais plus, je crois que j'ai vu d'autres dates, mais je suis pas sûr. Donc la Féline Bar, ça se trouve 6 rue Victor Letal, c'est ça? Hein, l'étal. Ouais, c'est la Féline. Ouais, c'est la Féline, c'est le bar, la Féline. Métro Ménilmontant. Exactement, et ça se trouve dans le 20e, donc pas très loin de la maison. Je vais peut-être aller faire un petit tour, moi, le 29. C'est très petit, je te préviens tout de suite. Le 29 juin. C'est très, ouais, très petit. Alors, il faut aller voir Pink Fireball, ils sont grimés, ils ont des masques et tout. Non, l'univers est sympa. Alors, on n'est toujours pas dans un univers métal à fond, hein, mais vous allez voir. Allez voir ces groupes qui sont un petit peu alternatifs, indés, tout ça, ça vaut vraiment le coup. Et pour le coup, un groupe qui pique fort encore, malgré leurs 50 ans de carrière, qui n'arrête pas de nous faire des tournées d'adieu encore et encore, le groupe s'appelle Scorpion. Alors on va vous passer un titre de leur dernier album en date qui s'appelle Return to Forever, et le morceau, c'est un bonus qu'il y a sur cet album qui s'appelle Delirious. L'album est sorti le 15 novembre 2015. Ça commence à dater maintenant chez Sony Music. Voilà, et ils seront en concert à Paris. Je pense que ça doit être à Bercy, mon cher Tom. Ça sera le 26 juin prochain. Voilà, et bon, ils nous viennent d'Hanovre et ce sont des Allemands. On vous laisse en musique, on vous retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti. Musique, maestro. Musique 06 81 01 28 34. Voilà. À toutes. We'll be right back.

De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rockfort Show tous les mercredis soirs de 19h30 à 21h30 sur la France et de 13h30 à 15h30 sur le Canada et le reste du monde, enfin à peu près partout. Voilà, et vous pouvez réécouter des émissions via Radio Biz, sur le podcast de Radio Biz, mais également sur le podcast du Rockfort Show, archive.org, c'est ça mon cher Tom. Sur le site archive.org, vous cherchez Rockfort Show. Ou sinon, il y a le lien sur la page Facebook du Rockfort Show avec les émissions, les actualités, l'actualité, enfin la newsletter. Voilà, de la possibilité d'écouter sur Metal Invasion tous les lundis soirs. Et on salue encore une nouvelle fois. De toute façon, le podcast ne sera pas mis en ligne tant que nos amis de Metal Invasion, voilà, je vais y arriver, pardon, n'aura pas diffusé l'émission. Voilà. Ghost, c'est ce que nous avons entendu, suivi de Pink Fireball, et nous avons terminé avec Scorpion. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Cincinnatum, c'est simplement du death metal formé en 2016. Ils nous viennent de France, mais un petit peu avec plein d'autres membres qui ne sont pas tellement français. Le groupe est formé, est basé à Charleville-Mézières. Nous pouvons retrouver au chant Attila. Nous retrouvons également Aymot à la basse. Nous retrouvons Monsieur Joey Jordison à la batterie. Nous retrouvons Sin Zatoski au chant, à une des parties de chant. Nous retrouvons également Monsieur Stéphane Berriez à la guitare, Monsieur Frédéric Lequerre au guitare, basse, chœur, clavier. Voilà, encore un grand groupe qui va aller, nous l'espérons, assez loin. C'est sorti chez EAR Music. Nous allons continuer avec des nouveautés et des groupes en concert. Nous allons partir un petit peu dans le prog metal cette fois-ci avec A Perfect Circle, tiré de leur album Eat the Elephant. Tu te vois, toi, manger un éléphant ? Non, pas vraiment. Hein. Puis, si tu parles dans le micro, c'est quand même mieux. Hein. Bah, j'ai un problème qui fait que je peux pas parler dans le micro. D'accord. So long and thank for all the fish. Ah, encore un titre à coucher dehors avec un billet de logement entre les mains. C'est sorti chez BMG Records le 20 avril dernier. L'album contient 12 titres. C'est un quintet de metal alternatif prog. Ils se sont formés en 1999. Ils nous viennent des États-Unis, de New York. Et ils seront surtout en concert à Paris le 26 juin prochain. Alors, je ne sais plus où exactement, mais vous pourrez aller trouver ça sur vos petites tablettes le 26 juin pour aller voir A Perfect Circle. On vous donnera peut-être l'information tout à l'heure. Sons of Apollo, c'est le groupe qui suivra derrière, encore un groupe All Star Band. L'album s'appelle Psychotic Symphony. Il est excellent cet album. Le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Coming Home. L'album contient 9 titres, sortis chez Inside Out Music le 20 octobre dernier, donc en 2017. C'est du metal progressif formé en 2017. Ils nous viennent des États-Unis. Et je vous donne un petit peu l'étendue de ce line-up, puisque nous retrouvons au chant Monsieur Jeff Scott Soto, Derek Sherinian au clavier, Monsieur Ron Bumblefoot Tal à la guitare, nous retrouvons Monsieur Billy Sheehan à la basse, et enfin, le dernier pour la forme comme ça, à la batterie, Monsieur Matt Portnoy. Bon, j'ai pas besoin de vous dire à tous dans quel groupe il joue, puisque les groupes sont tellement multiples. Ce sont vraiment des excellents musiciens. On retrouve des gens de Dream Theater, de Louis Malmsteen, de Talisman, enfin un peu partout, quoi. Ils seront en concert exceptionnel au Remfest 2018 qui fête ses 20 ans. Ce sera à nouveau sur 2 jours, le Remfest, et ce sera en septembre. Je crois que c'est le deuxième week-end de septembre. Ça doit être aux alentours du 15-16 septembre. Voilà. Nous enchaînerons ensuite avec les trasheux de Devil Driver, sorti chez Napalm Records le 6 juillet prochain. L'album s'appelle Outlaws Till the End, volume 1. Et le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Country Heroes. L'album contient 12 titres, donc s'il y a un volume 1, certainement qu'il y aura un volume 2. Je pense. C'est un quintet de thrash death metal formé en 2002. Ils nous viennent des États-Unis, de Santa Barbara. Santa Barbara. Ouais, maintenant Tom, il ne suit plus du tout. Allez, musique, c'est parti. À tout à l'heure. see Mo Hip Hip, hooray! What a glorious display! Melt a joyous hearts away under the mushroom cloud confetti. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show, pour ceux qui peuvent, et vous venez d'écouter Perfect Cycle, suivi de Sons of Apollo, et on a terminé avec Devil Driver. Normalement, ce qu'on va entendre en fond sonore, c'était Shuffle, mais je pense pas que ça soit ça. Non, mais hein, ça arrive. Ça arrive. Ça devrait revenir. Bon, Shuffle qui nous sort un nouvel album très bientôt. Enfin, ce sera au mois de novembre, hein, seulement 2018, mais ils sortiront un premier titre de leur deuxième album. Voilà Shuffle. Ils sortiront en novembre 2018 chez Clonosphère. Ils seront en concert en attendant le 29 juin. À la Boule Noire avec Shipes, et donc c'est à Paris, à la Boule Noire, et je crois qu'ils sont en support de Shipes. Voilà, et ben nous allons continuer avec des nouveautés avec Lords of the Lost, tiré de l'album Tor Star, et le morceau s'appelle On This Rock I Will Build My Church. Alors, sur ce rocher, je construirai mon église. Voilà, ça sortira le 3 août prochain chez Napalm Records. C'est un quintet de metal gothique formé en 2008. Ils nous viennent d'Allemagne, de Hambourg. Exactement. Bah, on va vous laisser partir avec eux et on se retrouve tout de suite après Music Maestro avec Lord of the Lost. On this rock, I will build my church. On this rock, I will build my church. On this rock, I will build my church. On this rock, I will kill my heart. We'll be right back. Ainsi s'achève le Rock for Show et vous avez pu avoir, en plus de Lord of the Lost, vous avez pu avoir Atme, c'est tiré de leur album qui s'appelle Sour Born et qui est sorti sur le label Unique Leader Record le 1er juin dernier. Le groupe s'est formé en 2016, ils nous viennent des États-Unis et ils nous faisaient, comme vous avez pu l'entendre, du death technique. Et ils nous viennent de Missouri City aux États-Unis. Le titre qu'on vous a passé, c'était To Exist. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Eh bien, juste à la semaine prochaine, avec une émission, on va essayer de vous faire une émission spéciale 100% Rhemfest, puisque le Rhemfest revient. Voilà, mon cher Tom, je te dis à la semaine prochaine. Et j'espère que demain, la France va y gagner. Alors, allez les Bleus. Et surtout, restez tous rock. Restez fort, restez chaud. Restez rock for show. À la semaine prochaine. Judas Priest ou Therion, juste pour finir. Oh, ce que tu veux. Allez, au choix. Judas Priest ou Therion. Et on a eu un petit coup de conscience. On vous rappelle, ils seront en concert avec Ice Durst ce samedi, le 23 juin prochain, à Vauréal, au Forum. Bye bye. Mais tu choisis ou pas ? Allez, Judas. Ok. Parti. Bye. Salut. We'll be right back.